Le jeudi 9 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Des regrets, mais pas d'excuses formelles. Le député de Laurier-Dorion, Jerry Sklavounos, a fait une déclaration publique attendue ce matin, accompagné de sa conjointe. Il s'est décrit comme une personne volubile et passionnée et reconnu qu'il a pu tenir des propos, des gestes maladroits pour cette raison. Il dit avoir mené une longue introspection après avoir été la cible en octobre dernier d'allégations d'agression sexuelle. Il a toutefois tenu à souligner qu'il avait été entièrement blanchi. Le politicien de 42 ans s'est également engagé à adopter à l'avenir un comportement exemplaire dans ses rapports avec ses collègues de travail. Il y a quelques jours, le premier ministre Philippe Couillard avait écarté son retour dans l'immédiat dans le caucus libéral. M. Couillard n'a pas commenté la déclaration de M. Sklavounos. Les activités de l'Université Laval ont été fortement perturbées ce matin par les moyens de pression des employés de soutien. Les syndiqués ont bloqué les accès au campus pendant 1h30, entraînant une congestion monstre dans ce secteur à l'heure de pointe. Les employés ont par la suite poursuivi la grève jusqu'à midi, mais en libérant les accès au campus. Le syndicat s'est dit satisfait de ce coup d'éclat et a mis en garde contre d'autres représailles en l'absence de gains importants dans les négociations. La direction et les employés ne s'entendent pas sur les questions du régime de retraite et de mobilité du personnel. Le Palais Montcalm devra subir d'importants travaux cet été, seulement 10 ans après avoir été agrandi. Le quotidien Le Soleil révèle que la façade extérieure du bâtiment s'est écrasée prématurément pour une raison encore inconnue. La Ville de Québec confirme qu'un chantier important aura lieu prochainement et qu'elle étudie ses recours judiciaires. On ignore également le coût de ces travaux pour le moment. Rappelons que l'agrandissement de la salle de spectacle avait été en soi une saga marquée par de nombreux reports et même un incendie. Enfin, scène nationale, le premier ministre Justin Trudeau se rendra lundi prochain à Washington pour une première rencontre avec le président Donald Trump. Déjà, plusieurs ministres canadiens se sont rendus cette semaine dans la capitale américaine pour préparer le terrain. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a notamment averti son homologue américain que le Canada répliquerait à d'éventuelles barrières tarifaires à la frontière. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Pas de précipitation avant la fin de semaine, mais des températures plutôt froide. Il fera moins 12 aujourd'hui à Québec. C'est généralement nuageux. Ce soir, ça se dégage. Le mercure chute jusqu'à moins 22 degrés. On va ressentir moins 32 cette nuit avec le refroidissement éolien. Demain, du soleil, mais des vents avec des rafales à 40 km/h, un maximum de moins 15 degrés et un refroidissement éolien de moins 33. Pour la fin de semaine, eh bien, samedi, de la neige intermittente, moins 11, et dimanche, des averses de neige avec moins 8 degrés.